Examen 4. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Les passagers du vol Air France 587 en partance pour Montréal sont priés de se présenter à l'embarquement, porte 58.